الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والثبات والسداد والتوفيق وبعد وصلنا إلى القاعدة الرابعة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى Donc on va continuer inshallah sur l'étude et la lecture du livre « Les règles exemplaires concernant les noms sublimes d'Allah ainsi que ses attributs ». Et donc la fois dernière, dans la dernière assise, on avait terminé l'étude de la troisième règle, concernant, concernant les attributs. Puisque comme on avait relaté, dans la première partie du livre, l'auteur a mentionné des règles concernant les noms. Et on a étudié sept règles. Sept règles concernant Al-Asma Al-Husna. Ensuite, l'auteur évoque, comme on l'a dit, des règles concernant As-Sifat, les attributs. On en a déjà étudié trois, qu'a mentionné l'auteur. On va commencer aujourd'hui sans plus attendre sur l'étude de la quatrième, pour qu'on puisse avancer dans l'étude du livre. Et donc, dans la quatrième, l'auteur nous dit « في القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر وهذا ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من كثير من الصفات السلبية كما هو معلوم وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Donc là, je vous ai lu, on a lu la quatrième règle, qui est assez courte, mais qui comprend de nombreux enseignements. Donc dans la quatrième règle, Cheikh, l'auteur, dans son œuvre, va nous parler de donner quelques détails sur As-Sifat Thubutiyya. L'auteur nous a dit, et nous a enseigné dans ce qui a précédé, qu'il y a des attributs qu'on appelle Thubutiyya et des attributs qu'on appelle Selbiyya. Donc il y a des attributs affirmés, c'est ce qu'on appelle Thubutiyya dans une traduction, et des attributs niés, qu'on appelle Selbiyya. As-Sifat Thubutiyya ou As-Sifat Selbiyya. Comme un درسنا هذا فيما سبق Là, dans ce chapitre, il nous dit qu'un sifat al-thubutiyya, il dit sifat umadhin wa kamal. Les attributs maintenant, il va nous enseigner que les attributs thubutiyya qu'on avait traduit, maintenant peut rester sur le terme en arabe, affirmés, ce sont des attributs de louange et de perfection. الصفات ثبوتية صفات مدح وكمال هذه قاعدة. Ça c'est une règle très importante. Donc tous les attributs affirmés الثبوتية ce sont des attributs de مدح وكمال. مدح c'est-à-dire des attributs où il y a éloge et louange, وكمال des attributs de perfection, des attributs de perfection. Et وكما درسنا في القاعدة الأولى أن الصفات كلها صفات كمال. Que tous les attributs, comme on l'a appris dans la première règle, tous les attributs du Créateur sont des attributs de perfection. قال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. C'est pour ça, regardez ce qu'il dit. Il dit donc plus ces attributs sont nombreux et leur signification varie, plus la perfection de celui qui en est qualifié apparaît de plus en plus grande. Apparaît de plus en plus grande. C'est une traduction approximative et rapprochée de la parole de l'auteur, de Cheikh Ibn al-Uthaymeen, lorsqu'il dit « فَكُلَّمَا كَثُرَتْ وَتَنَوَّعَتْ » Plus ces attributs sont nombreux, « وَتَنَوَّعَتْ » et plus il varie, dilalatuha, leur indication, zahara min kamal il mansouf biha ma huwa akthar. Donc la perfection apparaît encore plus de celui qui est le mansouf, qui est le qualifié et le décrit. Qala, c'est pourquoi les attributs affirmés, sifat al-thubutiyya qu'Allah a porté à notre connaissance, sont bien plus nombreux que les attributs négatifs. Donc maintenant, si on sait qu'il y a sifat thubutiyya ou sifat salbiyya, donc des attributs affirmés, des attributs qui sont niés, ce que l'auteur nous enseigne, quels sont les attributs les plus nombreux? Est-ce que ce sont les attributs affirmés thubutiyya qui sont plus nombreux ou bien les attributs de négation qui sont plus nombreux? L'auteur nous enseigne que les attributs les plus nombreux, ce sont les attributs thubutiyya affirmés. De sorte, regardez ce qu'il dit. Il dit وَلِهَذَا كَانَتُ الصِّفَاتُ الثُّبُوتِيَّ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. Et il dit que, donc de ce fait, les attributs affirmés, الثُّبُوتِيَّ, qu'on affirme pour Allah, عز وجل, sont plus nombreux, mais il dit بِكَثِير. Vraiment, plus nombreux, de beaucoup. Ils sont plus nombreux, bikathir, que les attributs de négation ou bien les attributs niés. Kama huwa ma'loum, il dit comme cela est connu. Comme cela est connu. Donc ça, c'est la traduction de la première partie. Donc là, on va prendre un peu de l'interprétation et du commentaire, puisque le Sheikh lui-même, l'auteur, va commenter ce qu'il dit dans ses premiers propos. Il dit Mas'ala. مسألة قال وقوله تعالى الله خير أما يشركون. Dans le verset de Sourate An-Naml, le verset 59, il va poser une question. Donc là on est dans le commentaire, dans l'interprétation, comme ça on fait la différence entre l'œuvre, le texte en elle-même qu'on appelle Al-Matn et Al-Sharah. Là on est dans le commentaire. Dans le commentaire, l'auteur pose tout de suite une problématique, une question. Une question en disant, Mas'ala, question. Dans le verset, lorsqu'Allah dit, est-ce Allah qui est meilleur ou bien ce qu'il lui assigne comme associé? Ce qu'il lui donne comme associé. Qala, هل هذا من الصفات السلبية? Shir, il pose la question. À l'écoute de ce verset, est-ce qu'on considère que ça fait partie des attributs niés. lorsqu'on entend est-ce qu'Allah est meilleur ou bien ce qu'il lui donne comme associé, amma yushrikun. Al-jawab, est-ce que ça c'est considéré comme attribut nié? Al-jawab, là, il dit non. Bel thubutiya, mais c'est plutôt quelque chose parmi ce qui est affirmé. لأن هذه فيها إثبات أن الله عز وجل خير من أصنامهم وقارن الله عز وجل بين نفسه والأصنام ولأن هؤلاء يدعون أن للأصنام حقا كحق الله تعالى فاتحداهم بقوله الله خير أما يشركون وهم بأنفسهم يقرون بأن الله عز وجل خير فهو الذي خلقهم ورزقهم وينجيهم من ظلمات البر والبحر. Cheikh Indi, ça fait plutôt partie des attributs de confirmation, affirmer. Du fait d'affirmer, qu'est-ce qu'on affirme? Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui est affirmé dans le verset? Il est dit, est-ce qu'Allah, pour cela on a dit dans, par exemple, le Takbirat al-Ihram, ou bien le Takbir al-Azal, on ne met pas de prolongation. On ne dit pas Allahu Akbar. On ne fait pas de prolongation. Celui qui va faire une prolongation dans l'offre de Jalala, le sang change. Par exemple, prolongation dans Allahu Akbar. On l'entend parfois dans l'Azal. Allahu Akbar. Ça change le sens. Lorsqu'on dit Allah, on pose la question, ça devient une question. Est-ce que Allah? Est-ce que Allah? C'est pour ça, lors de Jalala, on dit Allahu Akbar. Allah. Il n'y a pas de med. Là, regardez dans le verset. Par contre, le verset, on va le lire avec le med. Allahu khayrun amma yushrikun. Dans le sens, est-ce que Allah est meilleur ou bien ce qu'il lui donne comme associé. Là, il dit qu'on a attribué ces thubutiyah d'affirmation. Il y a quelque chose à affirmer. Qu'est-ce qu'il faut affirmer? Que Allah est meilleur que l'asnam. Ça, faut l'affirmer. Que Allah, le créateur, wa khayrun min al-asnam wa ma'ubida min duni, et de ce qui a été adoré et pris comme divinité en dehors de lui. Ça, c'est quelque chose à affirmer. Enfin, وقارن الله عز وجل بين نفسه والأصنام. Donc Allah a cité de manière jointe, allié entre lui et les idoles, les fausses idoles. وأن هؤلاء يدعون أن للأصنام حقا كحق الله تعالى. Et les polythéistes à l'époque ont revendiqué, ont prétendu que, vous avez vu à l'époque à la Mecque, les polythéistes arabes du temps du prophète, et bien avant aussi, et jusqu'à nos jours, ils prétendaient que leur divinité, leur asnam, avait des droits comparables et similaires aux droits du Créateur, aux droits d'Allah Azza wa Jal. Hada huwa shirk. Hada huwa shirk. Fa Allah yatahaddahum. Tahaddahum. Allah leur a donné un défi. Les a défiés en leur disant, est-ce qu'Allah est meilleur ou bien est-ce qu'il donne comme un associé? وهم بأنفسهم يقرون بأن الله عز وجل خير. Pourquoi c'est un défi? Et pourquoi qu'en réalité, ce verset, à la simple lecture, qui peut paraître, bien sûr, il est clair à nos yeux, mais le sens simple, en fait, Allah عز وجل s'adressait aux polythéistes. À savoir que les polythéistes, au temps du prophète, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le texte et le contexte de l'époque pour bien comprendre le verset. Les polythéistes croyaient en Allah Azza wa Jal. Les polythéistes arabes. Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab, wa hawla al-mushrikun. Kanu yuqirruna bi rububiyyati Allah Azza wa Jal wa yu'minuna billah. Allah Azza wa Jal yaqul fi kitabi wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Donc si vous leur demandiez qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te diraient c'est Allah. Donc à l'époque du prophète, ils croyaient en Allah Azza wa Jal. Et en réalité, lorsque la question leur est posée comme ça, est-ce qu'Allah est meilleur ou bien leur divinité? Eux savent qu'Allah est meilleur. Les polythéistes, savaient qu'Allah était meilleur que Al-Lat, Wal-Uzza, Wahubal, Wamanat et leurs fausses divinités. Ils le savaient, Allahu Khair. Puisqu'ils disent eux-mêmes, qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre? Allah. Faqala, fahuwa alladhi khalaqahum. Ils savent qu'Allah Azza wa Jal les a créés. Ils savent qu'Allah Azza wa Jal, huwa alladhi razaqahum. C'est lui qui leur octroie la subsistance. Ils savent qu'Allah yunajjihim min dhulumatil barri wal bahr. Ils savent qu'Allah est celui qui sauve des ténèbres et de l'obscurité de la terre et des océans. C'est Allah Azza wa Jal. Et donc, en réalité, ce verset, il est immense. Et c'est un immense défi qu'Allah Azza wa Jal avait donné aux polythéistes à l'époque, arabes, en leur disant, qui est meilleur? Allah ou bien leur divinité? Et là, les polythéistes, au fond d'eux, ils savaient que c'est Allah Azza wa Jal. Ils savaient que c'est Allah Azza wa Jal qui est meilleur. Et c'est comme si Allah Azza wa Jal les rappelle, donc, à l'adoration de celui qui est meilleur. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut affirmer? Qu'il faille affirmer qu'Allah est meilleur que les fausses divinités? Eh, na'am. Et donc, à l'époque, les polythéistes arabes devaient l'affirmer. C'est pour ça que le point-là est très pertinent. Qala. Ensuite, lamma qala. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر. Et dans la partie lorsqu'il dit, et le fait que plus ces attributs-là d'affirmation sont nombreux et varient, plus la perfection est grande, il dit dans le commentaire, وهذا لا إشكال فيه. Sur cela, il n'y a pas de problématique, c'est clair. وقد سبق لنا أن كل صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه فهي صفة كمال ليس فيها نقص. ليس فيها نقص. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Pourquoi? Parce que comme on l'avait appris précédemment, on avait appris dans la première règle concernant les attributs que tous les attributs du Créateur sont des attributs de perfection. Lorsqu'on dit des attributs de perfection, ça sous-entend quoi? ليس فيها نقص. Il n'y a aucune imperfection ou diminution, ou déficience, sous-entendu. Sous-entendu. C'est al-kamal ul-mutlaq. C'est une perfection dans l'absolu. En aucun cas, ça sous-entend ou induit une imperfection. Mathalan, mithal. Regardez. Il dit, إذا قلت مثلا فلان كريم هذه صفة مدح. Ça c'est un attribut d'éloge. C'est une louange, c'est une éloge. Le fait de dire une personne فلان كريم. Cette personne elle est karim, elle est généreuse. Là on fait l'éloge. Elle est généreuse. فإذا قلت وجواد. Tu rajoutes par exemple جواد. Izdadat kamalan. Tu rajoutes le terme jawad, une forme de générosité aussi, le fait d'être jawad. Là, tu rajoutes de la perfection. Et tu rajoutes de l'éloge. Qala, faida qulta wa sahlun al-mawti, yani layyinun ma'a ikhwanihi, izdadat aydan kamalan. فكلما كثرت صفات الكمال الثبوتية ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر كما قال. Il dit par exemple, lorsque tu dis والسهل الموطي, والسهل الموطي يعني لين مع إخواني, ça veut dire qu'il est doux avec ses frères. Il a la mansuétude et de la douceur, لين, souple avec ses frères. Izdadat aydan kamalan. Ça rajoute, par exemple, de la perfection. Le fait que ce soit karim, jawad, wassahel. Vous avez vu? Ça rajoute de la perfection. Donc on comprend, plus les attributs de perfection sont nombreux, Thubutiya, ses attributs affirmés de perfection, plus ça rajoute de la perfection à celui qui est qualifié. À celui qui est qualifié. Ça, c'est une faïda azima. Ça veut dire que ceux الذين لا يثبتون الصفات ويقولون الله هو السميع بلا سمع البصير بلا بصر الرحيم بلا رحمة القدير بلا قدرة فهؤلاء لم يثبتوا الكمال لله عز وجل رغم بأنهم يدعون بأنهم بتعطيل ونفي الصفات فهم بهذه الطريقة يثبتون الكمال فهم أرادوا إثبات الكمال لله عز وجل عن طريقة النفي وتعطيل الصفات فالله جل وعلا له الكمال له الكمال ولذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهؤلاء أرادوا إثبات الكمال ونسب الكمال إلى الله عز وجل بتعطيل الصفات لكن بتعطيل الصفات المؤمن لا يثبت الكمال لله عز وجل بل العكس pour affirmer la perfection d'Allah عز وجل il faut affirmer les attributs c'est pour ça que certaines doctrines émergentes dans le monde musulman lorsqu'ils ont nié les attributs d'Allah ils pensaient attribuer la perfection à Allah عز وجل lorsqu'ils ont dit هو السميع بلا سمع والبصير بلا بصر etc. Dénuer tous les noms de leurs attributs. Pourquoi ? Parce qu'on a dit Bab al-Sifat Aoussa min Bab al-Asma. Le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms. De sorte que chaque nom de chaque nom divin découle ou induit un attribut. Induit un attribut. Eux, ils ont dénué, enlevé tous les attributs. En pensant que, en niant les attributs du Créateur, c'est comme cela qu'on affirme la perfection. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend ? Au contraire. Lorsqu'on dit Allahu al-Hakim, al-Khabir, al-Alim, donc on sait qu'Allahu al-Alim, al-Qawi, al-Matin. Mais lorsqu'on rajoute, comme on va voir dans ce qui va venir, dans ce qu'on va apprendre, on dit wa huwa al-Alim al-Hakim. Wa huwa al-Alim Al-Hakim, ذو علم وذو حكمة. Al-Kamal يزداد. Al-Kamal يزداد. لكن الذي يقول هو العليم بلا علم. الخبير بلا الصفة المتعلقة باسم الخبير. والقدير بلا قدرة. والبصير بلا بصر. فهذا لم يثبت الكمال لله عز وجل. Vous allez vous poser la question. Mais comment en sont-ils arrivés là? Comment en sont-ils arrivés là? Shaitan ne va pas laisser le croyant. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour ça que le croyant doit apprendre pour connaître son Créateur et pour connaître son Seigneur. قال المصنف والقرآن الكريم اسمعوا إلى هذا الكلام مملوء بذكر صفات الله تعالى المستفادة من أسمائه وكلما كثر ظهر لنا من كمال الموصوف بها ما هو أكثر وقلنا ظهر من كمال الموصوف ولم نقل حصل للموصوف هذا كلام دقيق لأهل اللغة وللفاهمين للغة أعيد الكلام إن شاء الله قال وكلما كثرت ظهر لنا من كمال الموصوف بها ما هو أكثر قلنا ظهر من كمال الموصوف ولم نقول حصل للموصوف لأن هذا حاصل فكمال الله عز وجل حاصل سواء علمناه أو لم نعلمه لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن من قبل. Ça c'est vraiment une parole très pertinente ce qu'il dit. Cheikh il nous dit si l'auteur nous dit si on observe dans le noble Coran dans le noble Coran, on voit qu'il y a l'évocation justement de ces attributs qui sont induits dans les noms d'Allah Azza wa Jal, qui sont sous-entendus dans les noms d'Allah. Ils sont mentionnés. Et dans le Coran est rempli justement d'évocations et de citations de ces attributs. Et de ce fait, il dit, plus ils sont nombreux, plus la perfection est grande. Plus la perfection est grande. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, nous avons bien dit, et là c'est subtil en arabe, je ne sais pas comment je vais le traduire, ou l'expliquer. Il dit, nous avons bien dit, ظهر من كمال الموصوف. En arabe, regardez le terme qui a cité Cheikh, ظهر من كمال الموصوف. Cheikh, il veut dire, lorsqu'il a cité ça, il a employé ces termes-là en arabe, ظهر من كمال الموصوف, il dit, c'est comme ça, en quelque sorte, il nous enseigne, c'est comme ça qu'il faille le dire. Il a dit, je n'ai pas dit, حصل للموصوف. حصل للموصوف. Il dit qu'il ne l'a pas exprimé comme ça, mais il l'exprime en arabe, ظهر من كمال الموصوف. Il dit, pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas dit, n'avons pas dit, حصل للموصوف. Je vais essayer de vous traduire en expliquant de manière approximative et rapprochée. Pour qu'on comprenne que les dires des savants, des grands théologiens, des grands savants de la nation, il faut les comprendre et les transmettre comme ils sont dits, puisqu'on voit que l'auteur lui-même explique sa parole. Et dans sa parole, il dit, je n'ai pas exprimé cela de telle manière, mais je l'ai exprimé de telle manière. De sorte, il dit là, qu'est-ce qu'on dit ? Plus les attributs donc sont nombreux et varient, il dit, ظهر من كمال الموصوف. Apparaît la perfection, plus apparaît la perfection du qualifié. Littéralement. Plus apparaît la perfection du qualifié. Il dit, nous l'avons évoqué comme ça. On l'exprime comme ça. Apparaît la perfection du qualifié. Il dit, et je n'ai pas dit, حصل للموصوف. Le qualifié a obtenu telle chose. C'est-à-dire que le qualifié obtient la perfection encore plus. Obtient la perfection encore plus. Et dit, on ne dit pas, plus les attributs sont nombreux et varient, plus le qualifié obtient de la perfection. Il dit, je ne l'exprime pas comme ça. Pourquoi ? Mais il dit, vahara, apparaît. Donc on voit que l'auteur s'est réfléchi. Et le texte, le metne, c'est de l'écrit, c'est la plume. Le commentaire, c'est audible. C'est les cours que Cheikh a fait ensuite, c'était édité en livre. Sinon, le livre en lui-même, les règles, il les a écrits de sa plume. Donc lorsque c'est écrit, c'est réfléchi. Et là, c'est subtil, pourquoi ? On parle d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, on parle du Créateur. C'est pour ça que pour parler d'Allah, il faut connaître Allah. Il faut être un savant. Et là, c'est subtil ce que l'auteur nous dit. Il dit, pourquoi je ne dis pas, plus, donc il nous dit, il nous apprend, les attributs varient et sont nombreux, plus apparaît la perfection du qualifié. Mais pas le qualifié obtient la perfection. Pourquoi pas obtient la perfection ? Parce qu'il dit, فَكَمَلُ اللَّهِ حَاصِلٌ سَوَاءٌ عَلِمْنَهُ. Regardez, c'est très pertinent, parce qu'il dit en fait, Allah Azza wa Jal, cette perfection-là, il la détient. Elle est obtenue. Il la détient. Qu'on la connaisse, qu'on en ait la connaissance ou non. Qu'on en ait la connaissance ou non. Vous voyez la différence ? Tandis que, lorsqu'on dit Zahara, Zahara, plus tu as la connaissance, plus il apparaît. C'est-à-dire que plus tu entends parler de l'évocation des attributs sublimes et parfaits du Créateur, plus apparaît la perfection. Sinon, Allah, cette perfection, il la détient. Que tu en aies la connaissance ou non. Vous comprenez? C'est ça que l'auteur nous explique. فَكَمَلْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَصِلٌ سَوَاءٌ عَلِمْنَاهُ أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ قَالَ لَكِنْ كُلَّ مَا تَعَدَّدَتْ ظَهَرَ لَنَا مِنْ صِفَاتِ كَمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ. Sauf que plus les attributs varient et sont nombreux, plus apparaît la perfection du qualifié Subhanahu wa ta'ala. وعلى هذا يكون قوله كلما كثرت وتنوعت حصل للموصوف من الكمال ما لم يحصل من قبل هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد غير سديد. Il dit c'est pour cela que si on dit plus sont nombreux et varient les attributs, alors le qualifié obtient une plus grande perfection. Il dit, pardon, cette manière de s'exprimer, cette expression-là, n'est pas juste et n'est pas bonne. N'est pas bonne. Ril sadid, bel naqul dhahara min kamal il mansouf. Mais il dit bien, on dit bien, apparaît la perfection du qualifié encore plus. Encore plus. Mais pas qu'il obtient celle-ci encore plus. Puisqu'elle est Allah Azza wa Jal la détient déjà. وَلَا يَصِحْ أَيْضًا أَن نَقُولْ إِزْدَادَتْ بِهَا كَمَالًا إِزْدَادَتْ بِهَا كَمَالًا. Et aussi il ne dit pas, vous voyez, c'est très subtil, et aussi il ne dit pas, on ne dit pas aussi que la perfection s'intensifie. On ne dit pas aussi que la perfection s'intensifie. Vous avez vu comment c'est subtil? La perfection s'intensifie. لِأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا هَذَا لَكَانَ الَّذِي لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا يَعْنِي أَنَّهُ نَقْصْ بَلْ نَقُولْ كُلَّمَا كَثُرَ ظَهَرَ لَنَا مِنْ كَمَالِ الْمَوْصُوفِ بِهَا وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَهُوَ أَكْثَرُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَخْلُوقِ فَيُمْكِنَ أَنْ تَقُولَ كُلَّمَا ازْدَادَتْ صِفَةُ الْكَمَالِ ازْدَادَ كَمَالًا ازْدَادَ كَمَالًا لِأَنَّ الْمَخْلُوقَ يَعْتَرِيهِ النَّقْصُ أما الرب فلا يمكن أن يعبر بهذا التعبير فتقول كلما ازدادت ازداد كمالا ازداد كمالا لكن يظهر لنا من كماله ما هو أكثر. وهذا كلام جميل كلام جميل من المصنف. Regardez ce qu'il dit. Il dit aussi, on ne dit pas plus les attributs de perfection varient et sont nombreux, plus la perfection s'intensifie. Plus la perfection s'intensifie. Pourquoi? Parce qu'il dit ça, par exemple, on peut le dire pour les créatures, pour l'être humain. Plus, mashallah, il détient des qualités, plus, mashallah, cette personne-là, ses valeurs s'intensifient. Ses valeurs sont plus grandes et s'intensifient. Par contre, il dit pour le créateur, on ne dit pas cela. Puisque Allah Jalla wa Ala détient cette perfection. Détient cette perfection. Mais plus les attributs sont nombreux, plus les attributs varient, plus celle-ci apparaît à nous. Plus celle-ci apparaît à nous. Est-ce que vous avez compris là? Et c'est ce que nous enseigne le Shir. C'est pour ça qu'il dit que, en ce qui concerne le Seigneur, cette manière de s'exprimer, le fait de dire Kullama zdadat, plus les attributs sont nombreux, plus s'intensifie la perfection. En ce qui concerne le Créateur, on ne dit pas et on ne s'exprime pas de cette manière. On ne s'exprime pas de cette manière, mais il dit « Yadharu lana ». Il apparaît à nos yeux, à nous. La perfection du Créateur, cependant, plus les attributs varient et sont nombreux. Et sont nombreux. C'est pour cela que vous avez vu des simples phrases comme celle-ci, des simples phrases comme celle-ci, on peut les dire sans s'en rendre compte en parlant. On peut les dire. Plus les attributs du Créateur sont nombreux, plus sa perfection s'intensifie. Vous avez vu, c'est des choses qu'on pourrait dire, même dans la traduction, quand on traduit. C'est pour ça qu'il faut apprendre, savoir comment s'exprimer lorsqu'on parle du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et d'où D'où le danger. Le danger de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens, par exemple, parlent sur l'islam, sur la religion, font des rappels, par exemple, dans les réseaux sociaux, sur certaines plateformes, sur YouTube, etc. Et on voit beaucoup de débutants, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas qualifiés, diplômés, atteints à un niveau de savant, d'être savant de l'islam. An yakuna aliman nel ulama. Ils ont des audios, des interventions, des paroles, des rappels, 40 minutes, 45 minutes, ils parlent. Il n'a pas de support. Il parle sur Allah, sur la religion, sur le prophète. Le fait de ne pas être savant. Alors on parle, mais plus on parle, plus on s'expose. On s'expose à dire des choses qui ne sont pas dites avec maîtrise. À dire des choses dont on n'a pas réfléchi sur la véracité de ce qu'on vient de dire. Et c'est pour cela que parfois, les gens, ils ont plus tendance à aller vers des gens qui sont moins savants, aller vers les jeunes, etc. dans les réseaux sociaux. Pourquoi ? Ce sont des gens qui racontent beaucoup d'histoires. Qasas racontent beaucoup d'histoires. Ils parlent. Et parfois, avec leurs paroles, c'est des paroles émotives. Donc, c'est des paroles parfois qui touchent le cœur, des histoires qui touchent le cœur, etc. Alors que l'ulama, les grands savants, t'enseignent. Ad-din, la religion, te transmettre la religion comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à ses compagnons et à la nation. Lianna haoula warathat al-anbiya. Parce que eux sont warathat al-anbiya. Or, les ulamas, les grands savants de l'islam, vont pas te dire ce que toi tu veux forcément entendre. Et te raconter des histoires que toi tu veux forcément entendre. Mais ils vont t'enseigner ce que tu as besoin. Contrairement aux sujets, par exemple, certains réseaux sociaux, les sujets exposés, ce sont les sujets qui attirent. Les sujets pour avoir des vues. Donc on choisit des sujets qui attirent, mais pas forcément des sujets qu'ont besoin les gens. Wal-anbiya, les prophètes et les messagers, lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont enseigné aux gens ? Ce qu'ils avaient besoin. Parce que si les prophètes venaient et enseignaient aux gens à l'époque ce qu'ils voulaient entendre, alors ils n'auront pas mis en garde contre l'asnam, ou l'awthan, ou l'ibadat al-lat, ou l'uzza, comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'a ila tawhidillahi azza wa jal, ou hazzara min al-shirk, comme a kana fir wa da'wat Nuh alayhi salam, ou da'wat Ibrahim, ou da'wat Moussa, وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم من الرسل ودعوة كل الأنبياء والرسل. On voit que les prophètes n'ont pas dit à leur peuple ce que eux voulaient entendre, mais ils ont enseigné ce qu'ils avaient besoin. C'est ça là la différence. فالعلماء يعلمونك الذي تحتاج إليه. Les savants, eux, vont t'enseigner ce dont tu as besoin. Donc, attirer les gens en leur enseignant ce que eux veulent entendre, c'est pas forcément la voix des prophètes et des messagers. Et ce qu'on disait, c'est que le danger, c'est de parler dans la religion des minutes, des heures, alors que la personne ne maîtrise pas. La personne n'a pas de maîtrise, en fait. La personne n'a pas une maîtrise en théologie. Drasa n'a pas étudié de longues et de nombreuses années la religion auprès de gens compétents pour maîtriser ces sujets. Donc il faut un support. On ne dit pas de pas enseigner, de rien faire, mais il faut un support. Or, le fait de parler sans support, sans revenir aux enseignements des savants, la personne s'expose. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Regardez, sur une simple expression. La personne peut dire une simple expression. L'auteur ici nous dit, ça ne se dit pas. On n'exprime pas cela. Plus, par exemple, les attributs varient et sont nombreux, plus la perfection du Créateur s'intensifie. La yuqal. Hada lillahi azza wa jal. Mais ça, c'est un exemple parmi des expressions. Allati la tuqal lillahi azza wa jal. Thumma qala. Par contre, as-sifat as-salbiyya. Par contre, as-sifat as-salbiyya. Les attributs niés. Qala. Yumkinu an ta'uddaha bi asabi'i yadik. بخلاف الثبوتية وأنت إذا قلت لملك من الملوك أيها الملك أنت شجاع أنت مقدام أنت مقدام أنت سياسي أنت كريم أنت تعطف على المساكن أنت تبني المساجد أنت تبني المدارس فإنه يزداد ويفرح وربما يكتب لك بمكافأة لكن الصفات السلبية لا يمكن التفصيل فيها بل التفصيل فيها قد يكون إهانة كما لو قلت لملك من الملوك أنت لست بزبال ولست بكساح والكساح هو الذي ينظف المراحيض ولست بحمار ولست بحجام لأن هذه لم يتهم الملك بها حتى تنفيها عنه فكونك تنفي عنه هذا الشيء يعتبر إهانة له. Et regardez, c'est très pertinent ce qu'il dit. Il dit, le cheikh, l'auteur, en ce qui concerne maintenant les attributs niés, les attributs de négation. On a dit, quels sont les attributs les plus nombreux ? Est-ce que c'est les attributs d'affirmation, affirmés ou les attributs niés ? C'est quoi les plus nombreux ? Donc sur ça, on est d'accord. Il dit en fait, les attributs niés, comme on a dit, Allahu Jalla wa Ala, Walladhi la yamut. La yamut. Sifat, Salbiya, Nanfiha lillahi azza wa jal. Al-maut, Wa ta'ab, par exemple. Nanfiha lillahi azza wa jal. Ces attributs-là, Sifat, Salbiya, les attributs niés, il dit, on peut les compter, les dénombrer dans les doigts de la main. On peut les compter et les dénombrer dans les doigts de la main. Donc déjà, ça c'est aujourd'hui, c'est la faïda du jour. Déjà, alhamdoulilah, si c'est l'enseignement d'aujourd'hui, déjà il y a un grand enseignement. Là, c'est une grande faïda. Fi bab al-asma wa sifat. Bab al-sifat, là, c'est un grand enseignement. Il dit pourquoi ? Il dit parce que toi, par exemple, donc là, on ne compare pas, l'auteur ne compare pas, il donne l'exemple pour qu'on puisse comprendre. Si tu t'adresses à un roi parmi les rois sur terre, tu t'adresses à un souverain parmi les souverains sur terre, un roi, et tu lui dis, « Ayyuhal Malik, ô toi le roi, anta shuja', tu es vraiment courageux, brave, tu as l'art de siyasa, de la politique, tu es généreux, tu as de la compassion pour les pauvres, et tu bâtis les mosquées, tu bâtis les demeures d'Allah, et tu bâtis les écoles pour les enfants, et comme cela, alors yezdad, alors là ça rajoute de la valeur, et là le roi il est content. Ahsantum, il est content. Par contre, si tu dis Ayyuhal Malik et tu commences à lui évoquer des choses selbi, négatives ou négatives, des choses négatives en détail. Fiha wa qad yakun ihanatan kama law qulta li malik min al-muluk anta lasta bizabbal, et tu commences à lui dire, toi tu ramasses pas, je vous dis avec les termes un peu comme c'est dit, les poubelles, nous on dit les ordures. C'est pas toi, tu ramasses pas les ordures. Tu es pas celui, par exemple, qui nettoie les toilettes. Tu n'es pas celui qui fait ci, tu n'es pas celui qui fait ça. En fait, tu lui donnes pas de la valeur. Mais ça dévalorise. Cela dévalorise. Pourquoi ? Parce que tu es en train de nier des choses que lui, il n'est pas accusé de ces choses. Ces choses lui ont pas été attribuées. Ces choses lui ont pas été attribuées. C'est comme si, par exemple, une personne qui est auprès des siens, et qui est aimée, qui est mahboub. Cette personne, elle est aimée auprès des siens. Et une personne vient devant les autres et lui dit, c'est pas grave si les tiens ne t'aiment pas et ne t'apprécient pas devant des étrangers. Ça sous-entend quoi? Que les miens, ils m'aiment pas. C'est pas grave. Et il lui fait un rappel sur ça. Toi, tu vas lui dire, Baraklofik pour le rappel. Mais au fond de toi, tu vas dire, pourquoi il me dit ça devant les gens? C'est comme si il veut dire que je suis pas bon envers les miens, alors qu'il est aimé chez lui. Mais il me fait un rappel que Ren Munasib. Wala hikma wada al-shayfi mordi'i. Wada al-shayfi mordi'i. Donc si moi, je viens te voir et je te fais un rappel, je te dis, devant tout le monde, alors que tu es aimé auprès des tiens, dans ta maison, je dis, c'est pas grave. Soit pas, ça arrive à tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui sont pas aimés auprès des siens. Et je te fais un rappel, je ramène des hadiths sur ça. Tu me dis, Barakallahu fik, mais toi, tu sais pas, il veut dire pour moi, il veut pas dire pour moi. Mais même si je sais que tu n'es pas comme ça, mais je le dis devant les autres, en fait, je te donne pas de la valeur. Je commence à évoquer des choses dont tu n'es pas accusé de ces choses-là. Donc si je commence à nier des choses pour toi, dont il n'y avait pas d'ambiguïté à la base, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, on rajoute pas de la valeur en faisant ça. C'est pour ça que Cheikh nous explique que As-sifat as-thubutiyya, les attributs d'affirmation affirmés, sont plus nombreux bikathir. Sont plus nombreux bikathir. Qala, pour terminer, regardez, il dit لأن هذه لم يتهم الملك بها حتى تنفيها عنه. Donc lui, le roi, il n'a pas été accusé de ces choses-là jusqu'à ce que tu dois les nier pour lui. فكونك تنفي عنه هذا الشيء يعتبر إهانة له. Et donc le fait de nier des choses dont lui, ces choses-là ne lui ont pas été imputées et attribuées, c'est une dévalorisation. قال فلذلك كانت الصفات السلبية حق لله عز وجل مع كونها تتضمن مدحا وكمالا قليلة بالنسبة للصفات الثبوتية. C'est pour ça qu'il dit qu'en ce qui concerne le créateur lui-même, ses attributs de négation qu'on doit nier, c'est une éloge et louange auprès du créateur. Et louange auprès du créateur. Sauf que ces attributs-là niés, ils sont pas nombreux. Pas beaucoup par rapport aux attributs affirmés. Ma'an ilmi bi anna ahl at-ta'til yuzak ma'an ilmi bi anna ahl at-ta'til yurakkizuna 'ala sifat an-nafy wa la yaquluna shay'an 'an sifat al-ithbat li'annahum wal 'iyad billah yarawna anna sifat al-ithbat taqtadi at-tamthil wa sifat an-nafy taqtadi al-'adam. Subhanallah. Elle dit faïda. Regardez ce que va dire l'auteur. Il dit, c'est pour cela que tu verras que les partisans des doctrines de la négation, eux, ils se concentrent sur les attributs de négation. Par contre, en qui concerne les attributs affirmés, d'affirmation, ils ne disent rien. Puisqu'il est ni. Ajib, vous avez vu de cet angle-là? Alors les attributs de négation, ça, ils se concentrent dessus. Par contre, les attributs d'affirmation, ils n'en parlent pas. Ils n'en disent pas, ils ne traitent pas ce sujet-là, bien au contraire, ils nient cela. Pourquoi? Parce que pour eux, affirmer ces attributs-là, يَرَوْنَ أَنَّ صِفَاتِ الْإِثْبَاتِ تَقْتَلِي التَّمْثِيلِ. Parce que pour eux, les attributs d'affirmation, pour eux, les affirmer, ça implique la comparaison. Comparer le créateur avec les créatures. Et donner un semblable à Allah Azza wa Jal. Alors que لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالصِفَاتِ النَّفِي تَقْتَلِي الْعَدَمِ. Et pour eux, les attributs niés de négation, ça sous-entend le néant. Rien. L'inexistant. Walaysa fiha tamthil. Donc pour eux, ça sous-entend l'inexistant. Donc automatiquement, il n'y a pas de comparaison dans ça. Ça, c'est leur thèse. C'est leur théorie. Or, c'est faux. Or, c'est faux. On va se quitter là, Inch'Allah. Et on continuera, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, vous allez voir ce... Le chapitre est court. Mais comme je vous ai dit, vous avez vu, le texte, on l'a fini, la lecture en arabe. Al-Qa'adat al-Rabi'a, Inch'Allah, on a fini. Demain, on terminera certains points sur cette règle-là. Et on commencera Al-Qa'adat al-Khamisa. La cinquième règle. Et là, on apprendra, maintenant, l'auteur va nous apprendre que As-Sifat al-Thubutiyat al-Qasim ila Qismayn. Zatiya wa fi'aliya. Et là, l'auteur va nous enseigner dans le cinquième chapitre que maintenant les attributs d'affirmation se composent d'attributs liés à l'entité, qu'on pourrait traduire l'attribut d'aisance, et des attributs d'action. Des attributs d'action, qu'on expliquera cela dans la prochaine assise, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك ونسال الله جل وعلا ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم